بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، آمين. وبعد، mes frères, nous continuons, incha'Allah ta'ala, nos cours de tafsir. Et nous devons terminer aujourd'hui, bi'idhnillah, surat al-layl. Surat al-layl. Et nous sommes arrivés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il mentionne وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى. Le verset numéro 19. يعني أنه لا يعطي المال مكافأة على نعمة سابقة من شخص فليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافأة، ولكنه يعطي ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. Donc ce verset, en fait, il est en relation avec le verset juste avant. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne avant, hein, et celui qui donne son argent pour se purifier, on avait expliqué, hein, yatazakka, hein, et le suivant, le verset qu'on vient de lire, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujaza, yani il donne pas parce en échange de quelque chose, en échange d'une faveur qu'il a reçue, en échange d'un bienfait qu'on lui a donné. Non, il ne donne pas pour cela, mais il donne pour une seule chose. C'est quoi? Hein, en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Uniquement. Hein? Des fois, hein, quelqu'un te rend un service, quelqu'un te donne quelque chose, hein, tu te sens redevable, et donc toi tu donnes en échange. Hein, tu, par exemple, tu lui rends service à ton tour, tu te sens redevable. Hein, ou il t'a donné un bien, toi tu vas lui donner un bien un peu plus tard, hein. Il est rentré de voyage, il t'a offert un cadeau, quand tu vas en voyage tu te sens redevable pour lui donner un cadeau, etc. Là c'est pas ce type de personne. Là c'est une personne qui donne sans attendre en retour. Il donne pas parce qu'on lui a fait quelque chose avant. Il donne uniquement, hein, pour rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'après Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne illa btira'a wajhi rabbihi al-a'la. Hein? Excepté en recherchant, hein, le visage de son Seigneur le Très-Haut. Fa huwa la yunfiqu illa talaba wajhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ay talaba al-wusul ila dar kalamati Allah التي يكون بها رؤية الله رؤية الله عز وجل. C'est-à-dire, il donne, il dépense de ses biens uniquement pour rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, cette règle très importante, hein, des gens de la sunna concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait d'affirmer pour Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est affirmé pour lui-même dans son livre ou, hein, dans la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans transformer le sens, sans renier l'attribut et sans faire de ressemblance avec les créatures et sans dire comment. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il a un wajh, un visage. Nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Est-ce que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme le visage des créatures? abadan, jamais. Laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est celui qui entend tout et qui voit tout. Est-ce que le visage d'Allah veut dire sa puissance, veut dire sa gentillesse, etc.? La abadan. Le visage, c'est le visage, on connaît. Est-ce qu'on dit comment est le visage d'Allah? Jamais. Et vous connaissez tous, on l'a déjà répété à maintes reprises, plusieurs fois, dans cette mosquée, hein, la fameuse parole de l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, imamuna, lorsqu'il a dit Al-istiwa ma'loum, wal-imanu bihi wajib, wal-kayfiyya majhoul, wa-su'alu anhu bid'ah. Il a dit, hein, Al-istiwa, le fait qu'Allah s'est établi sur son trône, c'est connu. On sait ce que ça veut dire. Y croire, c'est obligatoire. Quelqu'un dit, non, je dis, Allah, il ne s'est pas établi sur son trône. Kafir, il sort de l'islam. Il a renié le Coran. Il est obligatoire d'y croire. Comment Allah s'est établi sur son trône? On ne sait pas. Allah ne nous a pas expliqué, ne nous a pas dit, on ne sait pas. Est-ce qu'on dit comment Allah? Non. Est-ce qu'on cherche à savoir comment? On ne cherche pas à comprendre, à savoir comment. Si on cherche à savoir comment, c'est une innovation dans la religion, comme a cité l'imam Malik. Et cette règle que l'imam Malik a citée, tu l'appliques à toutes les sifats, à tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wajh, le visage, al-yadayn, les deux mains, hein, al-qudra, etc., la force, etc., etc., etc. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici que la personne donne, hein, donne de ses biens en recherchant uniquement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il recherche à atteindre, hein, la demeure de noblesse dans laquelle il pourra voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, mes frères et mes sœurs, comme vous le savez, fait partie de la croyance des gens de la sunna que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala. À combien de reprises? À deux reprises, à deux moments. Yom al-qiyama, le jour des comptes, les croyants pourront voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi au Jannah. Au Jannah, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne qu'Allah azza wa jal dira aux gens du Jannah: Ya ahl Jannah, est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous voulez quelque chose en plus? Il dira aux gens du paradis: est-ce que vous voulez quelque chose en plus? Ils diront: Ya Rab, ô Seigneur, n'as-tu pas illuminé nos visages? Ne nous as-tu pas fait rentrer au paradis? Ne nous as-tu pas éloigné de l'enfer? Yanni, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Ils vont pas, pour eux, ils pensent pas avoir plus que ça, c'est pas possible. Alors Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera le voile qui sépare les gens du Jannah d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils le verront directement avec leurs yeux. Et ça, c'est le sens, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du verset Illadina ahsanu, hein? Husna wa ziyada. Al-husna, c'est quoi? Al-jannah. Et ceux qui ont bien œuvré auront le jannah. Wa ziyada, et davantage, c'est quoi? Le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minhum. Amin. Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse tous partie de ceux qui verront le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Voilà, ça ouf. Et ça, yani, ça c'est un sujet dans l'aqida, dans la croyance. Et peut-être même, hein, que vous l'avez déjà étudié, hein, avec docteur Mohamed Diop, lorsqu'il a expliqué la muqaddima, hein, du livre Risala, hein, c'est mentionné dedans. Je ne sais pas s'il est encore arrivé à ce point-là, wallahu a'lam. Mais c'est un sujet qu'on étudie dans les livres de croyance, dans les livres de aqida. Voilà, سوف يرضى, يعني سوف يرضيه الله عز وجل بما يعطيه من الثواب ومن الثواب الكثير. Et le dernier verset, voilà, سوف يرضى, c'est-à-dire qu'ils vont que Allah subhanahu wa ta'ala va le satisfaire, cette personne. Et tout ça, c'est la suite de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti maluhu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujaza illa btigha'a wajhi rabbihi al-a'la wa la sawfa yarda. Ici, il parle de celui dont Allah a épargné de l'enfer, du feu de l'enfer. Celui qui fait preuve de piété, de taqwa. Celui qui donne de ses biens pour se purifier et qui ne donne pas en échange de quelque chose, mais qui le donne sincèrement en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il sera satisfait. Yani Allah va le satisfaire en lui donnant des récompenses à profusion. Allahu Akbar. وقد بين الله ذلك في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى clarifie cette récompense en profusion, cette récompense énorme qu'il va donner aux croyants. Il dit, tel est l'exemple pour celui qui donne de ses biens, celui qui dépense de ses biens, fisabilillah, dans le sentier d'Allah. Il est semblable à la graine, la graine que tu plantes dans la terre, dont il en sort 7 épis. Vous avez les épis là, comme les épis de maïs. Une graine, une petite graine, il sort 7 épis. Et de chaque épi, il y a 100 graines. Allahu Akbar. Regardez et méditez. Et Allah Azza wa Jal mentionne beaucoup d'exemples concernant et en mentionnant l'agriculture. Parce que ça parle aux gens. Les gens, c'est ce qu'ils vivent. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des agriculteurs. Ils cultivent les dattes et autres. Et aujourd'hui, à notre époque, pareil, ceux qui cultivent, ils comprennent l'exemple qu'Allah Azza wa Jal mentionne ici. Tu plantes une petite graine, tu la plantes dans la terre. Il en sort quoi ? 7 épis, et chaque épi, il y a 100 graines. Ça fait combien de graines ? 700. Une graine, 700. Ainsi, nous dit Allah Azza wa Jal à la fin du verset, ainsi Allah multiplie à celui qu'il veut. Peut-être un jour tu vas donner 100 francs. Tu as 100 francs dans ta poche. Tu n'as rien d'autre. Mais tu vas le donner, fisabilillah. Et bien auprès d'Allah, peut-être tu trouveras que c'est 100 francs. Tu auras 700 fois plus de récompenses que cela. Donc il ne faut pas minimiser, mes frères. Le fait de donner avec l'intention qui est pure et sincère. On ne donne pas pour que les gens nous mentionnent comme étant généreux. On ne donne pas parce qu'on attend quelque chose en retour. On donne uniquement pour rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla nous a donné l'exemple de cette graine afin que cela nous motive. Le Coran, on le lit pas pour passer le temps. On le lit pourquoi ? C'est quoi la sagesse du Coran ? C'est quoi la sagesse de la descente du Coran ? At-tadabbur. Le fait de méditer, le fait de réfléchir sur la parole d'Allah. D'où l'importance de comprendre la langue arabe, afin de comprendre les versets du Coran. Car Allah Azza wa Jal a choisi de descendre son livre en une langue arabe. Allah Azza wa Jal a choisi son messager dans un peuple arabe. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal a choisi que les sources originelles de sa religion soient en langue arabe. Et ceci, mes frères, c'est pas du fanatisme dans les Arabes. Malheureusement, on a cette pensée, maintenant beaucoup de gens ont cette pensée. Et par orgueil, ils ne veulent pas faire d'efforts pour apprendre la langue arabe. En disant, moi je ne suis pas un arabe. Comme si c'était ça diminuait ton rang de vouloir apprendre l'arabe pour ressembler aux arabes. On ne veut pas ressembler aux arabes. On veut apprendre l'arabe pour comprendre les sources du Coran. Allah Azza wa Jal, a choisi que les sources de l'islam sont en langue arabe. Et donc, la compréhension de ta religion passe forcément, obligatoirement, par la compréhension du Coran et de la Sunna. Est-il possible de comprendre la religion sans comprendre le Coran et la Sunna? Abadan, jamais. Et pour comprendre le Coran et la Sunna, il n'y a qu'un seul moyen. C'est comprendre la langue arabe. Bien sûr, vous allez me dire, il y a des traductions. Hein, le Coran a été traduit. On a des prédicateurs qui traduisent dans les langues, diverses langues, en français, en wolof, un peu, n'importe quelle langue. Tu as des cours. Mais ce n'est pas pareil, mes frères. Et ceux qui ont goûté à la langue arabe comprennent la différence entre lire le Coran et comprendre ce que tu lis et lire la traduction. Car comme je vous l'ai toujours dit, mes frères, le fait d'apprendre avec les traductions, vous êtes dépendant à 100% de quoi ? De la compréhension du traducteur. Donc si le traducteur s'est trompé dans la traduction, vous allez vous tromper. Parce que vous ne pouvez pas savoir. Donc vous êtes dépendant d'une personne. Ou de plusieurs personnes qui traduisent. Et combien de fois tu trouves des traductions dans le Coran, des traductions du Coran en langue française, où là c'est mal traduit ? Mais celui qui n'a pas l'arabe, comment il fait ? Il ne sait pas. Donc voilà pourquoi le fait de dépendre des traductions, ça peut être dangereux. Et donc chaque musulman doit faire ses efforts pour essayer d'apprendre la langue arabe afin de comprendre le Coran et la Sunna. Al-Muhim, on a un peu sorti du sujet. Mais avec ça, jazakumullahu khairan, on a terminé Surat Al-Layl et on peut passer à la prochaine surat qui est surat Ash-Shams. Hein, surat Ash-Shams qui est une surat Mekkiya, Mekkoise. Vous vous rappelez, on avait dit dans les tout premiers cours que les surats sont soit Mekkiya ou soit Madaniya. Les surat Mekkoises, c'est quelles surat? C'est les surats qui sont descendus avant la Hijra, avant l'immigration du prophète entre Mekka et Médine. Et que les sourates médinoises, Médaniya, ce sont ceux qui sont descendus après la Hijra, même si elles sont descendues autres que à Médine. Elles peuvent être descendues à Mekka. Comme le verset, Al-Yom Akmaltu Lakum Dinakum. Elle est descendue où? À Arafat. Et Arafat ne fait pas partie de Mekka, attention. Arafat, il est descendu à Arafat, pourtant c'est un verset médinois. Pourquoi? Parce qu'il a été révélé après la Hijra. Et vous remarquez que les dernières sourates du Coran, les sourates de Juz Amma, sont les sourates mekkoises. Ils sont descendus au début de l'islam. Et c'est des sourates qui parlent de quoi? Tawhid, Jannah, Nar. Pourquoi? Non, parce qu'au début de l'islam, les gens étaient fraîchement musulmans, ou n'étaient pas encore convertis, et ils avaient besoin de quoi? De renforcer le tawhid dans leur cœur. Ils avaient besoin d'apprendre le Jannah et le Nar. Et vous remarquez aussi que les sourates, les versets sont des petits versets. Pourquoi? Parce que l'islam au début était caché. Les musulmans se cachaient. Et ils devaient se transmettre le Coran. Et donc comme les sourates et les versets étaient petits, c'était facile de rencontrer quelqu'un et de lui transmettre. Un verset, deux versets, très rapidement. Alors qu'imaginez-vous les versets, un sourate, par exemple le verset Ad-Dayn, le verset de la dette qui fait une page dans Sourate Al-Baqara, elle serait descendue au début de l'islam. Et les musulmans, ils doivent se transmettre. Comment ils auraient fait pendant une page? Il y a les mécréants qui les regardent, prêts à aller leur sauter dessus. Ça a été difficile. Allah Azza wa Jal, par sa grande sagesse, sa grande miséricorde, a choisi des petits versets, des petites sourates au début de l'islam avec des sujets primordiaux, comme le tawhid et le jannah wa an-nar, et des exhortations afin de renforcer le cœur des musulmans. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bismillahir rahmanir rahim wa shamsi wa duhaha. Al-basmala, on a déjà expliqué ici, aqsam Allah ta'ala bi shams wa duhaha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici il jure par quoi? Par le soleil. Il jure par le soleil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a déjà dit mes frères, il est le seul à pouvoir jurer par ce qu'il veut. Il jure par le soleil, il jure par la lune, il jure par le temps, il jure par les figuiers et l'olivier, il jure par les cieux, etc. Alors que nous, les créatures, nous sommes obligés uniquement de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala et par personne d'autre, ni par nos parents, ni par nos enfants, ni par notre chir, notre sérine, notre marabout, là, ce que tu veux. On n'a pas le droit de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on doit jurer que par notre Seigneur Azza wa Jal. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ce qu'il veut. Et là, en l'occurrence, il jure par le soleil. Wa duhaha wa wadawuha lima fi dhalika min al-ayat al-azima dalla ala kamal qudrati Allah subhanahu wa ta'ala. Et il jure par duhaha. C'est-à-dire, ici, il y a une faute, attention, je ne sais pas dans ta tabara s'il y a une faute. Daou, hein. T'as quoi, toi? Ils ont oublié le wa. Ils ont oublié le wa, attention. Et par sa clarté. La clarté de quoi? Du soleil. Allah jure par le soleil et la clarté du soleil. Et je vous rappelle, mes frères, on a déjà parlé dans le cours, en arabe, les choses sont masculin ou féminin. En français aussi. Les choses sont masculin, une voiture, ou féminin, une voiture, un stylo, un soleil, le soleil, la lune. Hein. En arabe, également, hein, les choses sont masculin et féminin. Ash-shams, en arabe, il est féminin. Contrairement au français où il est masculin. Et al-qamar, la lune, en arabe, elle est masculin. Contrairement au français qui est féminin. Ça, c'est un mot mnémotechnique pour vous rappeler. Et là, on a la preuve. Wash-shamsi wa doha ha. Ici le damir à la fin ha, c'est féminin, ça revient à quoi? Al-shams, au soleil, parce que le soleil en arabe il est féminin. Donc Allah jure par le soleil et par sa clarté par rapport au signe extraordinaire du soleil et de la clarté du soleil qui indique quoi? Qui indique la perfection dans la puissance et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kamal ilmihi wa rahmatihi, et la perfection dans sa science et dans sa miséricorde. Fa inna fi hadhihi ash-shams min al-ayat ma la yudrikuhu ba'd an-nas. Il y a dans le soleil des signes, mes frères, que certaines personnes n'arrivent même pas à s'en rendre compte. Nous, par exemple, si vraiment tu étudies le soleil, tu vas voir des signes extraordinaires. La caractéristique du soleil. Et ça, c'est des signes d'Allah Azza wa Jal. فَإِذَا تَلَعَتِ الشَّمْسِ فَكَمْ تَوَفَّرَ عَلَى الْعَالَمِ مِنْ طَاقَةِ كَهْرَبَائِيَّةِ تَوَفَّرَ الْآلَافَ الْمَلَايِينَ لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. Quand tu vois que le soleil se lève dans le monde entier, combien de personnes profitent de cette énergie solaire? Combien? Des milliards. Imagine-toi, le soleil se lève, des milliards de personnes profitent de cela. Que ça soit sa chaleur, que ça soit sa lumière, etc., etc. Allahu Akbar. Une chose que même si les hommes se réunissaient pour créer quelque chose de semblable, ils ne pourraient pas. Hein? Donc ça, c'est des signes qu'Allah nous montre. C'est pour ça que l'imam Cheikhul Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, quand il a dit comment tu connais ton Seigneur, tu connais comment? Bi ayatihi, ومخلوقاته avec ses signes et ses créatures. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Et fait partie de ses signes la nuit et le jour, le soleil et la lune. C'est des signes d'Allah Azza wa Jal qu'il nous a donné. Et bilal alaykoum mes frères, la personne douée d'intelligence qui recherche sincèrement la vérité, s'il médite, s'il réfléchit sur le soleil et la lune, sur la nuit et le jour, il verra la puissance et la perfection de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'existence sans aucun nom, l'ombre d'un doute de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça ici que le shir nous dit cela. On ne peut pas se rendre compte de la puissance du soleil et forcément de quoi ? De la puissance de son créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. Et quand le soleil se lève, regardez ce qui arrive comme chaleur qui inonde la terre. Là, vous avez vu la nuit comme elle est fraîche. Le soleil se lève et la chaleur apparaît. La chaleur apparaît partout. Hein? Les fruits mûrissent par l'intermédiaire de quoi ? Des rayons du soleil. Hein? Les arbres s'embaumissent par les rayons du soleil, etc. Il y a des choses que seul Allah Azza wa Jal en a connaissance. وَيَحْصُرُوا فيها فوائد كثيرة جدا وكثيرة لا أستطيع أن أعدها لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجية لكنها من آيات الله العظيمة. Il dit, et des bénéfices innombrables découlent du soleil. Il dit le shir ici, shir al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, et je ne peux même pas les compter. Car la plupart de ces bénéfices du soleil est en rapport avec la science de l'astronomie, avec la science de la terre, la géologie, etc. Tout ça, on n'a pas connaissance, on n'est pas des spécialistes de cela. Les spécialistes, les géologues, les astronomes, etc., ils ont connaissance d'une partie des bienfaits du soleil parce qu'ils ont étudié, mais tout ça pour montrer que ceci fait partie des signes extraordinaires qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Ensuite il dit Allah subhanahu wa ta'ala wal qamar afwan wal qamar idha talaha قيل إذا تلاها في السير وقيل إذا تلاها في الإضاءة. Et lorsque la lune le suit, et par la lune, pardon, et par la lune, lorsqu'elle le suit, qui suit quoi? Al-Shams, le soleil. Certains ont dit lorsqu'elle suit son cheminement, ce cheminement. La lune suit le cheminement du soleil. Barakallahu fik. D'autres ont dit la lune suit dans sa clarté. Elle suit dans sa clarté ou la clarté du soleil. Wa ma damat al-aya tahtamilu hadha wa hadha fa inna al-qa'ida fi 'ilm al-tafsir, c'est quoi? An al-aya idha ihtamilat ma'nayayn la ta'arud baynahuma wajab al-akhdh bihima jami'an. Ça c'est une règle qu'on a déjà vue et que j'aimerais que vous gardiez bien en tête. Dans le tafsir, tant que un verset a plusieurs sens ou plusieurs sens sont possibles et qu'il n'y a pas de contradiction entre ces sens, alors on accepte tous ces significations, tous ces sens. Attention, il ne faut pas qu'il y ait de contradiction. D'accord ? Ça, c'est une règle en tafsir. On l'a déjà vu dans les cours précédents. يَنَّ الْأَرْضَ بِالْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا أَوْسَعْ لِلْمَعْنَى. Pourquoi ? Parce que le fait de prendre les deux significations, ceci est plus large dans la signification du verset. Le verset veut dire ça et ça. Il y a une contradiction entre les deux ? Non. Donc on prend les deux. Ça veut dire, le verset veut dire les deux choses. Hein ? Et bien sûr, hein, l'explication, le tafsir, ce n'est pas moi ou Foulan ou Ilan qui le sort de sa poche. Hein, mais c'est qui ? Les savants de cette communauté. Et parmi eux, hein, les premières générations. Et à leur tête, qui ? Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les mieux placés pour interpréter et faire l'exégèse du Coran. Et même au sein des compagnons, il y en a qui étaient meilleurs que d'autres. On les a déjà cités. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, et autres parmi les compagnons qui étaient connus pour leur science du tafsir. فنقول إذن تلاها في السير لأن القمر الله أكبر يتأخر كل يوم عن الشمس وفي نسات فرازي وفي الأدن فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق لأنه يتأخر كل يوم. Donc on dit que la lune suit dans le cheminement le soleil. Pourquoi ? Parce que la lune, chaque jour, est quoi ? Elle retarde du soleil, petit à petit, chaque jour. Tu vois qu'au début du mois, la lune, elle est proche du soleil. Hein ? À l'heure du au Maghreb, comment on appelle ça ? À l'occident, à l'ouest, tu vois quoi ? La lune et le soleil sont proches. Ça, c'est au début du mois. Bien sûr, au début du mois, Hijri, du calendrier lunaire, pas du calendrier solaire. Ça encore, mes frères, on pourrait en faire un cours entier. Hein ? Wallah, thumma wallah, thumma wallah. Hein ? C'est malheureux qu'aujourd'hui, la très grande majorité des musulmans ont délaissé le calendrier hijrien, lunaire, et ils se sont basés uniquement sur le calendrier solaire. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais ils vivent dans des pays où ils utilisent le calendrier solaire. Taïeb, c'est vrai, mais comme ici au Sénégal, et comme dans la majorité des pays musulmans, où ils utilisent le calendrier grégorien, hein, le calendrier de qui ? Des koufars. Cependant, malgré ceci, qui t'empêche, mon frère, d'apprendre le calendrier musulman, le calendrier égyrien, de connaître les mois, de te renseigner chaque jour, quel jour nous sommes ? Faites un test, demandez aux musulmans quel jour on est aujourd'hui. Franchement, sur 100 personnes, je pense, Wallah alam, si c'est pas 199, ils vont dire on est le 18 octobre. Hein ? Qui va dire on est 3 de Rabi Thani ? Personne pratiquement. Pourquoi ? Parce qu'on a délaissé notre calendrier. On a délaissé notre calendrier alors malgré le fait que beaucoup de choses sont en relation avec le calendrier. Az-zakat, quand tu sors ta zakat, tu crois que tu vas sortir ta zakat sur le calendrier des kofars ? Sur le mars, avril, mai, juin ? Non ! Sur le calendrier des musulmans. L'entrée des mois de Ramadan, l'entrée de Dhul-Hijja, le mois du Hajj, hein ? T'as besoin de connaître. Mais malheureusement aujourd'hui, hein, ils connaissent seulement le calendrier égyptien pour leurs innovations, leurs fêtes bid'a qu'ils ont inventées. Hein, ils le savent, hein. Quand c'est pour les innovations, pour les bid'a, ils le savent. Mais quand c'est pour les choses de la sunna, il n'y a plus personne. Wallahu al-musta'an. Al-Muhim, ici, le shir nous dit que la lune, chaque jour, elle se retarde petit à petit du soleil. C'est pour ça qu'en début du mois, tu vois que la lune est proche du soleil à l'occident, à l'ouest. Et plus le mois passe, et à la fin du mois, tu trouves que, hein, elle est le plus éloignée du soleil. Al-Muhim. On va s'arrêter là, on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, parce que c'est l'heure de l'adhan. Wallahu al-musta'an. وجزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Juste une parenthèse, mes frères, justement pour ce calendrier, on doit prendre nos responsabilités. C'est-à-dire que nous-mêmes déjà, on doit faire attention, hein, et faire nos efforts pour connaître le calendrier égyrien, mais pas seulement. Nos enfants, nos proches, hein, éduquons-les sur cela. Ya Bounay, tu sais quel jour on est, quel mois on est, hein? On est Rabi Thani. Tu sais quel jour, hein? Très important, barakallahu fikoum, mais c'est un devoir pour nous. Afin que de revivifier cela, de faire revivre cela. Hein? Barakallahu fikoum, wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum.